Non, c'est vrai, il y a des choses que tu ne veux pas savoir. Ok, alors t'as qu'à me le dire. D'accord, je te le dirai. Oh, c'est les déménageurs. Tu veux toujours rester? Ouais. Ah ouais. Ok, c'est bon, j'ai compris. Toujours au mauvais moment, cela. Je finirai par t'avoir. Si t'étais à la hauteur, ça serait déjà fait. Et peut-être que t'aimes faire les choses à ton propre rythme. Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec des anges. Il y avait un petit ange, 10 qui font la fête, 9 qui jouent sur leur nuage, et 1 qui écoute ce morceau. Tu te reconnais, mais qui sont les autres ? Hier soir encore, je me suis fait raqueter par nègre raciste. Je cherchais du shit et me suis trompé de piste. Le monde est malhonnête, même quand tu es là, tu es loin de moi. Alors prends cette chanson comme une lettre. Le mal me ronge et les insultes me mangent comme des noms d'oiseaux en train de me picorer. L'enfer est bien décoré et dans ce purgatoire, on ne m'a jamais appelé mon ange. J'ai croisé cette femme avec le sourire de l'ange. Il y a des horreurs qui dérangent, mon appart qui se dérange, mes potes qui se rangent et la drogue qui me fait voir des anges. J'ai croisé cette femme avec le sourire de l'ange. Il y a des horreurs qui dérangent, mon appart qui se dérange, mes potes qui se rangent et la drogue qui me fait voir des anges. Il faut que tu saches que je prends trop de drogue et que ça monte au cerveau, c'est gauche. Je ne sais même pas si je suis accro, mais c'est ma faute. Et mon entourage a bon dos, mes potes sont des suppôts de Satan. Tu le supposes, je l'expose. Et puis tant pis, tant que je les aime tant, je veux trouver d'autres. Je n'en ai pas le temps. Je sais que tu n'as pas fait la Méditerranée pour venir te faire emmerder, mais c'est comme ça et pas autrement. Si t'es pas contente, je la ferai pas retraverser. Alors je me contente de payer content, même si je n'ai pas d'argent, pas d'agent, plus de parents. Aucun ange ne me sourit, tant mieux, je me contenterai de crever ici. Je n'ai jamais pisse. Je vous pisse plutôt à l'arrêt, noyé comme une raie hardcore, avalé le noyau à l'arrêt, j'ai perdu mes boyaux. Dans ton amour, y'a trop d'arrêtes, alors arrête de dire que je réagis comme un gamin. Tu sais que je ne vais pas bien, alors il faut bien s'accrocher car l'amour ne tient qu'à un fil. Et si tu ne sais plus quoi dire, tu me défies. Autrement dit, tu te défiles. J'ai croisé cette femme avec le sourire d'un ange. Il y a des horreurs qui dérangent, mon appart qui se dérange, mes potes qui se rangent et la drogue qui me fait voir des anges. J'ai croisé cette femme avec le sourire d'un ange. Il y a des horreurs qui nous dérangent, mon appart qui se dérange, mes potes qui se rangent et la drogue qui me fait voir des anges. Je rentre de la supérette, jamais de marque. Coûte trop cher le marché, la merde du supermarket. Dans la nuit j'ai croisé cette vieille femme qui m'a lancé un sourire plein de cicatrices. Et le pas quotidien du boulanger de la police. Je ne suis pas un utopiste libertin, mais Don Juan n'a jamais été cocu, ça j'en suis certain. J'ai la nature de Don Juan et les affaires vont de bon train. Il nous faut tous prendre le même look collectif, fumer la même herbe de la même rive, du même jardin, c'est-à-dire celui du voisin. Mais j'ai perdu la piste du train, je me suis sans doute trompé de gare. Gère, je m'égare car j'ai du mal à écrire. J'ai du mal à souffrir. En bas de chez moi, il y a un squat habité par un ange qui garde le sourire. Mais où tu vas? Y'a des trucs comme ça qui me font chier. Ma vie est tachée comme une carte ou du hachis. Parmentier, te prends pas pour une grande. Les enregistrements se font chez moi. J'ai croisé cette femme avec le sourire de l'ange. Y'a des horreurs qui les dérangent, mon appart qui se dérange, mes potes qui se rangent et la drogue qui me fait voir des anges. J'ai croisé cette femme avec le sourire de l'ange. Il y a des horreurs qui dérangent, mon appart qui se dérange, mes potes qui se rangent et la drogue qui me fait voir des anges. J'ai croisé cette femme avec le sourire d'un ange. Il y a des horreurs qui dérangent, mon appart qui se dérange, mes potes qui se rangent et la drogue qui me fait voir des anges. J'ai croisé cette femme avec le sourire de l'ange. Il y a des horreurs qui dérangent, mon appart qui se dérange, mes potes qui se rangent. Si je prends de la drogue, dans le ciel je verrai des anges. J'ai croisé cette femme avec le sourire de l'ange. Il y a des horreurs qui dérangent, mon appart qui se dérange, mes potes qui se rangent et la drogue. Si je la prends dans le ciel, je verrai des anges. C'est un peu le négro, c'est une culture plus technique, c'est blanc, c'est des mots dans ces pays où il fera chaud. Comme la vague, c'est l'un et l'autre. Alors ne faut pas essayer de monter vers le ciel.